Chapitre deuxième. Trop. Lorsqu'ils reminrent à Paris, ils ne reprirent point leurs habitudes d'autrefois. Presque deux années s'étaient écoulées depuis qu'ils s'aimaient. Ils avaient maintenant bien d'autres soucis qu'eux-mêmes et leur amour. Armande avait sa fille qui réclamait ses soins. Maurice avait son opéra achevé dans la solitude de la vie de campagne qu'il fallait faire représenter. C'est-à-dire que pour lui le plaisir avait cessé et que la peine commençait. Il avait, il est vrai, quelques amis influents qui pouvaient lui épargner les premiers dégoûts, lui ouvrir les premières portes. Mais ses amis, il devait avant tout les décider à abandonner leurs propres affaires pour s'occuper de la sienne, et il y avait dans cette tâche, en course, en démarche, en obsession, de quoi prendre tout son temps. En combinaison et en expédient, de quoi absorber toutes ses pensées. Celui de ses amis qu'il comptait mettre en avant pour appeler l'attention était un journaliste, directeur et rédacteur de la presse musicale. Dans le monde des artistes, Liénard avait la réputation d'être un bon garçon. Comment l'avait-il conquise? C'est ce que personne n'aurait pu expliquer. Peut-être le devait-il pour beaucoup à son absence complète de toute autre réputation, peut-être à son esprit qui était fertile en drôlerie, peut-être à son air blondasse et grassouillet, peut-être à son abord ouvert et engageant. De vrai, il était égoïste, dur, méprisant, envieux parce qu'il n'était rien, avide de tout parce qu'il était dévoré de besoins. Quoiqu'il parût toujours dispos et bienveillant, il ne disait et ne faisait rien s'il n'y avait un intérêt propre. Avec cela, admirateur quand même, louangeur jusqu'à devenir le personnage qu'il voulait. Sous une feinte indifférence personnelle, il savait très habilement mettre à profit les avantages que son adresse, continuellement en quête, faisait lever. Depuis longtemps, il n'avait plus le dégoût d'aucun bourbier, plaisantant lui-même ce qu'il appelait sa vaccine morale. D'un ton agréable et enjoué, il vous faisait des confidences les plus honteuses, il vous soutenait des théories les plus cyniques, sachant bien que le contraste entre ses paroles effrontées et ses manières doucereuses empêcherait qu'on le crût, et qu'au lieu de franchise, ce serait de fanfaronnade qu'on l'accuserait. Ses 20 années de journalisme parisien lui avaient créé de nombreuses relations et une certaine notoriété. Elle ne lui avait mérité ni solides amitiés, ni véritable autorité. Du reste, homme d'adresse, d'intrigue, d'intelligence, il était incapable d'un travail lent et continu. Jamais il n'avait pu aller plus loin que l'article de journal, et quand il avait fait de la critique, sachant que l'originalité, l'invention et la juste mesure sont de mauvais moyens pour réussir promptement, il s'était contenté, dans sa prudente paresse, de vivre sur le fond commun. Comparse de hasard, accepté plutôt que recherché, 100 fois il avait roulé dans les franges de la misère, mais sans se laisser jamais entraîner jusqu'à l'égout. Son dernier plongeon avait été terrible, lui-même s'était cru englouti. Cependant, il avait été sauvé. Un chanteur vieilli, qui avait plus d'argent que de talent, lui avait tendu la main et lui avait donné la rédaction de la presse musicale, à condition d'être défendu et prôné quand même. Une fois remonté, souriant et accueillant comme par le passé, mais au fond du cœur plus enragé que jamais, Liénard s'était juré de ne reculer devant aucune besogne, devant aucune haine à servir. Il avait 40 ans, l'âge critique de la probité. Sa misère cessait d'être un agréable complément de la jeunesse. Elle devenait un vice pour ceux qui en étaient témoins, un cancer pour son propre cœur. C'était au temps de ses débuts que Maurice avait fait une sorte d'amitié avec Liénard. Lorsqu'il eut besoin de lui, il se rappela cette amitié. Par expérience, il le savait très sensible à un bon dîner. Il l'invita. Celui-ci n'eut garde de refuser. Armand ne se plaignit pas de cette intrusion. L'intérêt de Maurice n'était-il point en jeu, c'est-à-dire son bonheur et sa gloire? Ce fut cette considération qui lui fit cacher, elle, franche et de premier mouvement, l'impression assez indéfinissable, mais troublante et pénible, que Liénard, par son ensemble, sa manière d'être, la façon dont il la regarda et lui parla, produisit sur elle. Pour lui, pendant le dîner, il justifia sa réputation de bon garçon, et quand Maurice, assez embarrassé, lui glissa un mot de ses projets et de ses espérances, sans dissimuler les difficultés qu'il voyait, il se répandit en chaudes promesses. « Cependant, ajouta-t-il, il ne faut pas se laisser griser, ça sera dur à enlever, une grande machine, et tu n'es ni étranger ni prince. Tu peux être certain d'avance que tu auras tout le monde contre toi. ceux qui sont établis dans la boutique et ceux qui veulent y entrer. Oh, ces jeunes gens qui n'ont jamais eu faim! Au moins, es-tu décidé à tout pour arriver? Avaleras-tu les revues fades comme j'avale cette cuillerée de crème? M'en diras-tu les protections sans cracher la figure des protecteurs insolents? Useras-tu patiemment tes culottes dans les antichambres, poli avec les concierges, généreux avec les domestiques, plat avec les secrétaires? Avant d'entrer, laisseras-tu ta fierté au seuil de toutes les portes? Car tu en es encore à avoir de la fierté, n'est-ce pas? Ah, monsieur! Interrompit Armande. Eh, madame! Continua-t-il, tout ça n'est pas beau, c'est vrai. J'ai connu un homme de talent, et ce qui est plus rare, de volonté. Eh bien, cet homme, pour arriver à faire jouer une des 8 ou 10 partitions qu'il avait en portefeuille, est devenu le courtisan du perroquet d'un chanteur influent. Il a pris son nom au perroquet. Le perroquet l'a répété au chanteur 100 fois par jour. Mais le chanteur n'a jamais répété un seul opéra du pauvre diable, qui est maintenant clarinette dans un régiment de ligne. Au reste, ce que j'en dis, ce n'est pas pour décourager Berthaud. J'espère bien qu'avec de l'intrigue, du courage, de la chance, surtout de la patience, son affaire marchera. Pour l'intrigue, il peut compter sur moi comme sur lui, même mieux, car je n'ai plus de scrupules et j'ai de l'expérience. À vous donc la patience. Avant de partir le soir, il renouvela ses offres de protection. « Nous te ferons jouer. Tu verras ce que peut un journal bien mené. Tu as une charmante femme. Dans 2 ans, tu auras un nom. Tu n'auras plus qu'à aller droit devant toi, par des sentiers fleuris. Ah, si la vie s'était offerte à moi, facile et abordable, où ne serais-je pas maintenant? Mais ma première maîtresse a été une fille et mon premier article a paru dans une feuille de chou. Ces 2 éclosions de ma virginité ne m'ont guère poétisé à mes propres yeux. Quand j'ai eu une vraie femme, je ne croyais plus à l'amour. Comme lorsque j'ai eu un vrai journal, je ne croyais plus à la gloire. Heureusement, il me reste un honorable appétit, ce qui fait que j'ai encore la reconnaissance du ventre. Et celle-là, tu viens de te l'acquérir. » Sur cette belle parole, il le quitta. Puis, gagnant les Champs-Élysées, il revint en lui-même au sujet qui, dans ce discours incohérent, était sans doute pour lui le principal. « C'est vrai qu'elle est charmante, sa petite femme, » se dit-il, « fraîche, naïve. A-t-il de la chance ce matin-là, sans le sou, sans nom? Il l'aime, mais ça ne durera pas. Il n'y aurait qu'à rester là. Un beau jour, la petite verra que son mari la trompe, et elle se vengera ou se laissera consoler. La maison est bonne, on y mange bien. » Il alluma un cigare, et continuant son chemin en lançant des bouffées de fumée. « C'est honnête, pas exigeant. Il n'y a pas de frais à faire, pas de fatigue. Ça me mettrait au laitage, et il en est temps. De la vertu, et un tempérament qui s'ignore. Quelle jolie éducation à entreprendre !» Il eut un tressaillement et respira longuement comme un chien qui rencontre une piste. À son âge, neuve comme elle est, elle serait heureuse d'un rien. Elle jouirait de tout, on jouirait de ses plaisirs. Elle vous aimerait assez, sans vous aimer trop. Si elle devenait gênante, on pourrait la lâcher. Elle a un enfant, elle se consolerait et ne vous embrasserait pas de sa fidélité. Décidément, il faudra voir. Pour le moment, il n'y a qu'à s'en remettre au hasard de la vie et aux ennuis du mariage. J'y retournerai. Il y retourna une fois, puis une autre, et bientôt il y dîna un jour la semaine. Ainsi se trouva entamée leur solitude à deux, ce fut le commencement d'une autre vie, avec des habitudes et des exigences nouvelles. Armand ne fut point seul à souffrir de ce changement. Il atteignit aussi Martel. Sans être jaloux de ses amis et les vouloir exclusivement pour lui, il supporta avec peine l'envahissante intimité de ce nouveau venu. Il le connaissait. À son assiduité dans ce jeune ménage, il ne put point attribuer des causes désintéressées. Pourquoi, pour qui venait-il? Il eut peur et sentit leur bonheur menacé. Trop fin pour ne pas deviner cette inimitié, Liénard était trop habile pour laisser voir qu'il en était inquiet. Aussi se montra-t-il pour Martel plein de bonhomie. À l'égard d'Armande, il se tint toujours entre la politesse et la tendresse. À l'égard de Maurice, il fut parfait de complaisance. Il parla de lui dans chacun des numéros de son journal, adjurant les directeurs d'ouvrir leurs portes à une œuvre qui arracherait le théâtre aux maîtres étrangers. Pendant 2 mois, ce fut un feu continu. Il s'agissait de la gloire de la France, de la musique nationale, de l'avenir des jeunes compositeurs. D'une question personnelle, il avait fait une question générale, et sur Imogène établit une polémique qui pouvait durer éternellement. Pour profiter de ce tapage, Maurice s'occupa de mener à l'attaque ses amis influents. Mais le métier de solliciteur, les déboires et les blessures d'amour-propre, que le sourire aux lèvres il dut endurer, le jetèrent bientôt dans un état d'irritation qui se manifesta tantôt par une exaltation fiévreuse, tantôt par un abattement maussade. Tant que les feuilles de rose sur lesquelles il avait couché ses amours n'avaient point formé le plus léger pli, il s'était naturellement montré, dans son intérieur, tendre et facile, c'est-à-dire tel que le bonheur le faisait. Descendu de son lit dans la vie positive et entré dans la lutte, il se montra, tout aussi naturellement, irritable jusqu'à la dureté, exigeant jusqu'à l'injustice, c'est-à-dire tel qu'il était sous la pression des circonstances présentes. « Vois-tu, dit-il à sa femme, lorsque je reviens ici, la régularité de nos habitudes, au lieu de me reposer, m'irrite. C'est comme le froid d'une église qui tombe sur les épaules d'un homme en sueur. J'aurais besoin de distraction, de quelque chose d'imprévu, qui puisse m'arracher à moi-même et me faire oublier mes ennuis. Il y a des jours où je voudrais voyager, courir le monde. Il y en a d'autres où je voudrais des émotions, n'importe lesquelles, bonnes ou mauvaises, qui me misent du sang jeune dans les veines, des idées nouvelles dans le cerveau, tandis que, restant là en tête à tête, je retombe toujours sur moi-même, ou ce qui est pire, sur toi. Et comme tu es fatigué par Victorine, tu te trouves en mauvaise disposition pour me supporter maussade. Nous arrivons à des scènes pénibles. Elles le sont pour toi, je le veux bien, pour moi plus encore. Car au lieu d'un cœur qui, tout en partageant intérieurement mes déceptions, prenne la force de me consoler, on m'offre des larmes. « Que veux-tu donc ? » demanda-t-elle, interrompant ce discours aussi nouveau pour elle qu'incompréhensible. « Que nous ne nous limaçonnions point dans notre coquille. J'en ai assez de cette existence de marmotte. Puisque je ne peux pas travailler, passons nos jours d'attente à nous distraire. Ça te sera aussi utile qu'à moi, car tu tournes trop à la mère nourrice. Fais ton enfant belle pour toi, je le comprends, mais au moins fais-toi belle toi-même pour ton mari. Pourquoi ne t'habites-tu plus ? » ?»« Une femme qui nourrit. Tu as de belles épaules, je veux que tu les montres. Si Victorine te gêne, sèvre-la, il me semble qu'il en est temps. » Dans son amour pour son mari, elle en était à cette période heureuse où les coups ne font point de meurtrissure. Ses larmes séchées, elle ne se souvint plus d'avoir pleuré. Au lieu de chercher quel sentiment pouvait rendre ses paroles cruelles, dans une bouche naguère si tendre, elle ne pensa qu'à leur trouver des explications. Et facilement, elle en trouva. Il fut bientôt de règle qu'on ne passerait plus une seule soirée à la maison. Et comme ils n'avaient que de rares relations, comme ils n'étaient point du monde, ils s'adressèrent aux distractions qui s'offrent aux désœuvrés et aux étrangers. Le luxe et la bonne table des restaurants n'avaient rien pour plaire à Armande. Pas plus que les spectacles de tout genre, où ils allaient achever leur soirée, n'avaient rien pour la séduire. Pendant qu'elle écoutait en rougissant des drôleries ordurières, elle songeait bien souvent que pour ses plaisirs, elle avait délaissé sa fille. Alors, l'inquiétude et le remords la prenaient. Le lait lui montait à la gorge, elle l'étouffait. Comme elle eût voulu la rejoindre, lui donner son pauvre sein endolori. À force de caresses, se faire pardonner son abandon. À force de fatigue et de dévouement, se le pardonner elle-même. Il fallait qu'elle eût là, sous les yeux, Maurice riant et s'amusant, pour qu'elle trouvât la force d'attendre sans rien dire. Cependant, il lui fut tout à fait impossible de se faire à cette vie de convention où on l'entraînait. Elle ne put pas même en prendre le ton. Elle avait la religion de la famille. Elle fut choquée et inquiétée des mœurs étranges, des habitudes de bohème qu'elle découvrit chez quelques-uns des amis que Maurice retrouva dans ce monde. Honnête de cœur et d'esprit, elle ne sut point écouter en riant les histoires risquées qu'on raconta quelquefois devant elle. Et sans aller jusqu'à s'en fâcher, elle laissa voir une rougeur qui put passer pour de la bégueulerie. Élégante et distinguée, elle n'avait point dans les manières et la mise cette hardiesse qui est toute parisienne. Et autant par timidité que par embarras, elle garda toujours une certaine roideur qui put paraître de la gaucherie. Ses défauts, si défauts il y avait, devaient, sur une nature comme celle de Maurice, et dans les conditions où il était, produire une pénible impression. Tant qu'il se persuada être le seul à les voir, il n'en souffrit pas trop. Lorsqu'à de certaines remarques de ses amis, il crut que tout le monde les voyait comme lui, il s'en irrita. « Il est bien certain que tout ça t'ennuie, » dit-il à sa femme. « Tu es une bonne petite bourgeoise. Tu n'as ni nos goûts, ni nos idées. Reste donc à la maison, puisque ta prunerie souffre près de moi. Seulement, ne trouve pas mauvais que j'aille où je me plais et m'amuse. » Un soir, à une première représentation, où Maurice avait été avec Liénard, un souper fut arrangé entre quelques financiers de hasard, deux ou trois journalistes et des comédiennes. Il s'y amusa comme un collégien échappé, buvant, causant, trouvant les femmes irrésistibles de toilette et d'effronterie. Vers le matin, Liénard, qui n'oubliait point ses projets et ne négligeait rien de ce qui pouvait les servir, le rappela à la réalité. « Mes enfants, cria-t-il, soyons moraux dans nos plaisirs et gardons toujours la feuille de vigne, cet attribut divin qui distingue l'homme du monde du faubourien. Nous avons parmi nous un homme marié, ne le corrompons point. Berthaud, il faut vous en aller, mon petit. Et toi, là-bas, Marie, ne le retiens donc pas, sa femme l'attend. Et une jolie petite femme, qui vaut mieux dans un seul de ses doigts que vous toutes présenta, drôlesse que vous êtes. » Maurice en revint irrité autant contre lui-même que contre les autres et disposé à se faire payer son mécontentement. Elle l'avait attendu toute la nuit. Elle le croyait arrêté, blessé, tué. Elle lui sauta au cou et sans pouvoir dire un mot, elle le serra dans une folle étreinte. Il se dégagea et alla ouvrir la fenêtre de l'escalier. « Il est incroyable, dit-il, que je ne puisse rien obtenir de ce que je demande. Cette maison devient inhabitable, on y empeste partout la cuisine. » Il entra dans la chambre et vit que le lit n'était point défait. « Tu as passé la nuit à m'attendre, continua-t-il. Tu aurais mieux fait de te coucher. Ça ne t'embellira point. Au reste, si tu as voulu me donner une leçon, je ne la reçois pas. » Lorsque, quelques heures après, il s'éveilla d'assez bonne humeur, elle voulut lui faire raconter pourquoi il était revenu si tard. Mais il prit ses interrogations pleines d'une tendre inquiétude pour des soupçons qui attaquaient son indépendance et moitié fâché, moitié railleur. « Serais-tu jalouse par hasard ? » dit-il. « Oh, tâche de te garder de ce vice comme de la peste et mets-toi bien dans la tête que la liberté pour nous autres, c'est le talent. Et puis, là, franchement, quand je te ferai par-ci par-là une petite infidélité, je ne te vois là que ce qu'il y a de mauvais en moi et nous n'en serions pas moins bons amis. Nos femmes ne doivent point s'inquiéter de nos maîtresses, si nous en avons. Qu'elles se contentent d'un amour honnête, et abandonnant aux autres ce qui est indigne d'elles, c'est là leur rôle. » Elle écoutait, stupéfaite. « Eh bien, dit-il, si j'avais une maîtresse, que ferais-tu donc ? » Elle le regarda longtemps, haletant d'anxiété, puis, tout à coup, « Ah ! » s'écria-t-elle, « je suis folle, tu as voulu rire. Mais je t'en supplie, ne m'éprouve pas ainsi, tu me tuerais. » La nouvelle vie extérieure qu'il adopta lui fit prendre sa maison en mépris. Il aimait naturellement le luxe, mais il ne s'élevait pas au-dessus de ce besoin tout bourgeois de propriété qui fait qu'on place la jouissance dans l'avoir. Rentrant chez lui, il souffrit de ne point trouver les larges meubles, les bronzes, les demi-jours, les tapis moelleux, le fouillis, le trop-plein que l'on ne rencontre que chez les parvenus ou dans ces bazars de l'amour, riches des offrandes de chaque visiteur. « Toute notre friperie est bonne pour un avocat ou un médecin, » dit-il à sa femme. « Quand on a de l'originalité, on en a dans tout. »« Serons-nous plus heureux ?» dit-elle. Au temps où ils commençaient de s'aimer et élevaient chaque jour d'un étage leur château en Espagne, ils avaient fait de certains projets pour le moment où ils auraient à choisir leur ameublement. Ils seraient ainsi de tels dessins, de telles couleurs. M. Michon, en les choisissant lui-même, lorsqu'il vint les installer à Paris, et surtout en le payant de sa propre bourse, avaient empêché la réalisation de leur fantaisie. Ils avaient accepté ce qu'on leur donnait, sans trop regretter de ne point avoir ce qu'ils avaient désiré. Mais lorsqu'Armande vit Maurice décider à remplacer ses meubles un peu vulgaires par d'autres plus luxueux, elle pensa que ce serait pour lui une occasion de reprendre les projets autrefois formés. Pas plus qu'elle, sans doute, il ne les avait oubliés. Comme elle, il devait avoir gardé le charmant souvenir des circonstances et des conditions dans lesquelles ils avaient été agités et résolus. C'était le lendemain même du jour où elle avait avoué son amour. L'air était calme et le ciel radieux. C'était sur la falaise de Plorac, dans la lande où les ajoncs étaient en pleine floraison. Elle voyait toujours devant elle une petite barque aux voiles blanches qui paraissait immobile au milieu de la mer bleue. C'était sur cette barque qu'elle avait tenu les yeux pendant tout le temps qu'il avait parlé, n'osant le regarder lui-même tant elle était heureuse. Assurément, il n'avait oublié ni cette journée, ni leurs paroles, ni leurs projets. Comme il ne la prit point avec lui et ne lui demanda point son goût, elle se persuada qu'il voulait lui faire une surprise. Un soir, on apporta le meuble du salon. Il était en bois doré et en vieille tapisserie. Sur un fond bleu, des bergers, enguirlandés de roses, s'en allaient avec leurs bergères à des noces éternelles. Il datait de la fin de Louis XV, bien conservé surtout, bien réparé, il faisait bonne figure. « Hein ? Cela vaut bien notre moquette, n'est-ce pas ? » dit Maurice, enthousiasmé de cette acquisition. Je croyais qu'il serait en soie cerise, dit Armande. Tiens, et pourquoi ça? Parce que... Elle s'arrêta. Il avait oublié la falaise de Plorac, les projets, la petite barque aux voiles blanches. Ce qui coûte cher, ce n'est pas précisément le luxe, c'est l'originalité. Le luxe, il y en a pour toutes les bourses, du vrai ou du faux. L'objet sortant de la fabrication commune, voilà ce qui ruine les gens de goût. Les quelques mille francs que Maurice avait devant lui furent rapidement absorbés. Mais les tapissiers sont les marchands les plus accommodants du monde, et ce doit être un tapissier qui, le premier, inventa le billet à ordre et la manière de s'en faire des rentes. Ses désirs satisfaits, Maurice aperçut que la statue n'était plus en harmonie avec la luxueuse chapelle qu'il venait de dorer. Attentive et accueillante, Armande n'avait point la froideur hautaine des femmes du monde. Simple et chaste, elle n'avait point la beauté insolente, les regards provoquants, les toilettes audacieuses des femmes faciles. D'ailleurs, il voyait bien maintenant qu'elle n'était point ce qu'il avait cru. Son nez manquait certainement de finesse, elle avait un certain mouvement de bouche qui n'était point distingué. Elle vieillirait et se fatiguerait vite. Les qualités auxquelles le mari était trop habitué pour y être encore sensible avaient disparu. Le souffle du désenchantement avait passé sur elle, comme le vent d'automne qui arrache à l'arbre feuilles et fleurs et ne lui laisse plus que ses rameaux tout nus. Un matin, étendu dans son lit nonchalamment, il la regardait. Elle était devant le feu en peignoir, les manches retroussées, les cheveux en désordre, baignant et nettoyant Victorine. « Quelle drôle de chose que le mariage, » fit-il, « comme ça vous dévore. Je n'aurais jamais cru il y a un an que tes joues maigriraient et que tes yeux se creuseraient si vite. Qu'est devenue ta fraîcheur ?»« Ne l'aimes-tu pas mieux sur ses joues que sur les miennes » dit-elle en montrant Victorine qui sortait de sa petite baignoire, la peau brillante et veloutée comme une feuille de rose. Elle répondit ces mots sans colère, mais ce coup, plus injuste que ceux qui l'avaient précédé, fut pour elle comme un coup de foudre. En la frappant, il éclaira la situation d'une lueur sinistre. Que lui reprochait-il? Qu'avait-elle fait? L'orage qui avait fondu sur elle la laissait désorientée sur une mer inconnue. Personne pour la guider. Dans son inquiétude et son effroi, elle pensa s'adresser à ceux qui avaient vu cet orage se développer et avaient pu le suivre de près, c'est-à-dire à Liénard ou à Martel. Entre les deux, son choix ne pouvait être indécis. Et quoi qu'en ces derniers temps, Liénard eût été plus prodigue de marques de complaisance que Martel, qui s'était montré très inégal, souvent contraint, et par éclair seulement ami chaud et dévoué, ce fut à ce dernier que, tout naturellement, elle pensa demander lumière et conseil. Mais lorsqu'elle se trouva seule avec lui et qu'elle voulut commencer sa confidence, il l'arrêta court. « Permettez-moi de n'être point juge entre Maurice et vous. Un tiers ne peut qu'irriter les querelles. Il ne s'agit point de nous juger, » répliqua-t-elle avec décision. « Je n'accuse pas Maurice, j'en aurais honte et remords. Mais je me sens menacée, perdue peut-être. Je suis seule, sans expérience. Si vous me refusez de me venir en aide, à qui aurais-je recours ?» Il regarda quelques instants, puis se rasseyant, car il s'était levé pour briser l'entretien. « Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. » Elle reprit. « C'est depuis 3 jours que je suis certaine que Maurice n'est plus ce qu'il était autrefois. C'est depuis notre retour de Plorac. Je le comprends maintenant, qu'il a commencé à changer. Seulement, comme c'est à ce moment-là que Victorine a été prise de convulsions, j'ai été, pendant 3 mois, si bouleversée que je n'ai vécu que pour elle, et je n'ai pas eu le temps de m'apercevoir qu'il me laissait seule bien souvent. Maintenant, le présent m'éclaire le passé. Maurice est malheureux, il a à se plaindre de moi, et je me sens si maladroite que je n'ose l'interroger, de peur de le blesser encore. Qu'il s'explique avec vous, qu'il vous dise ce qu'il veut, je le ferai. Vous avez sur lui une grande influence, même de l'autorité. Parlez-lui, je vous en prie. » Elle avait débité ce discours sans s'arrêter ni se reprendre, la voix haletante, les yeux fixés sur ceux de Martel. Lorsqu'elle se tut, il était ému, embarrassé. « Que je l'interroge, dit-il, que je lui demande quel grief il a contre vous. C'est porter la lumière dans une situation obscure dont peut-être même il n'a pas conscience. S'il me fait une réponse, il se la fera à lui-même. En outre, il sera blessé que vous ayez introduit un étranger entre vous deux. Mais alors, au lieu de chercher en vous, cherchez en lui. » Il avait parlé avec force, presque avec colère. Elle demeura troublée. « Oui, dit-il, regardez, étudiez, car si Maurice souffre d'un mal réel, les causes de ce mal sont en lui, non en vous. Seulement, quelles sont-elles? Je n'ai que de vagues conjectures, et ce qui augmente encore mon embarras, vous les expliquer, c'est d'avoir à traiter un pareil sujet avec vous. » Il resta assez longtemps, les yeux fixés sur une fleur du tapis, ne parlant pas, perdu dans une préoccupation évidemment pénible. Tout à coup, il se leva. Par la fenêtre ouverte, venaient d'entrer les cris joyeux de Victorine qui jouait dans le jardin. Il descendit en courant, et presque aussitôt il revint portant l'enfant qu'il mit dans les bras d'Armande, interdite. « Continuons notre entretien, » dit-il d'un air libre et parlant avec aisance. « Maurice, voyez-vous, est un homme à qui il faut des émotions et surtout des sensations toujours nouvelles. Or, il se trouve que... » Mais s'arrêtant tout à coup. « Allons, voilà que je ne sais plus comment m'expliquer. Enfin, essayons. Tenez, vous avez là sur votre table un sachet qui est dans votre chambre depuis un an, peut-être deux ans, dans tous les cas depuis assez longtemps, pour que vous ne puissiez pas me dire quel est son parfum. Tandis que moi je respire si fortement son odeur de violette que j'en ai mal à la tête. D'où vient cette différence ? De ce que l'habitude a tué chez vous des sensations que chez moi la nouveauté provoque. Ah, je comprends. Ne me comprenez pas trop. » Et il se mit à lui expliquer ce qui se passait dans Maurice avec une sagacité qui montrait combien il l'avait suivi de près et sévèrement observé. Seulement, il n'alla point jusqu'où Maurice avait été lui-même, soit qu'il ne voulut point trop en dire, soit qu'il n'en sut pas plus qu'il n'en disait. « La situation est celle-ci, » dit-il en concluant. « Un ciel trop uniformément bleu, une félicité qui n'étant traversée ni par l'imprévu, ni par le refus, ni par les petites brouilles, n'est plus une félicité, de telle sorte qu'on cherche au dehors ce qu'on ne trouve plus chez soi. C'est que la vie est une lutte de tous les jours, voyez-vous. C'est que la sérénité dans l'amour n'est que l'exception. Tantôt c'est le mari qui lutte pour garder le cœur de sa femme, tantôt c'est la femme pour garder le cœur de son mari. Voilà ce qu'on devrait apprendre, jeune fille, au lieu d'en laisser le soin à l'expérience qui y va durement et à grands coups. Vous auriez 7 ou 8 ans avec vos 20 années, vous ne seriez pas une sainte petite femme. Je vous répéterai ce que j'ai entendu au théâtre et ce que j'ai lu dans les livres, à savoir qu'une adroite coquetterie peut ramener un mari qui s'éloigne. Mais pour employer ce moyen, il faut de la pratique, non de la théorie, et dans tous les cas, il est indigne d'un cœur tel que le vôtre. Je vous l'ai dit, Maurice est un homme de plaisir. Pour qu'il aime sa maison, il faut que le plaisir l'y retienne. Quel plaisir, allez-vous me demander ? Pour vous répondre, laissez-moi prendre encore le chemin le plus long, qui en réalité, pour moi, malhabile dans ces questions, est le plus court. J'ai lu que Louis XIV, voulant garder auprès de lui une cour attentive à lui plaire, compris qu'il n'aurait jamais assez de récompenses et de grâces réelles pour satisfaire tout le monde. C'est pourquoi il en inventa de fictives et d'idéales, le juste corps à brevet, les invitations à Marly, toute distinction imaginaire que les courtisans se disputèrent avec plus d'ardeur qu'un commandement ou une pension. Eh bien, c'est ainsi que souvent doivent agir les femmes. Ayez donc recours à ce moyen. Pour cela, changez vos habitudes, mais changez-les du tout au tout. Vous n'allez nulle part. Acceptez les invitations qui se présenteront. Vous ne voyez que Liénard et moi, je vous engage à recevoir. Qui ? Tous ceux qui sont sensibles à une bonne table et à l'esprit. Parmi les artistes, c'est facile à trouver. Vous n'avez guère de précautions à prendre qu'à l'égard des femmes. C'est presque uniquement par elles que les dangers arrivent dans un ménage, car ou elles plaisent un peu trop au mari, ou elles donnent un amant à la femme. Aussi, puisque vous me consultez, mon avis est que vous n'en receviez point. Cela est très possible avec les habitudes de notre monde, où généralement on se marie peu. Cependant, si vous étiez toujours seul au milieu de vos invités, vous pourriez vous trouver assez souvent mal à votre aise. C'est pour cela que je vous recommanderais 2 excellentes femmes que j'aime beaucoup et que Maurice connaît un peu. Elles seront, j'en suis certain, très heureuses de venir chez vous. L'une est Madame Cabu, l'autre est Madame Aiguebelle. Armande l'avait jusqu'alors écouté avec une douloureuse angoisse, son cœur se desserra. « Allons, poursuivit-il, prenez un air plus gai et laissez-moi vous dire ce que je sais de vos futurs amis. Cela pourrait vous être utile dans vos relations. Pour moi, Madame Cabu est une des femmes les plus intelligentes de Paris, déliée comme une fée, sûre dans ses conseils, résolue dans ses actions, une vraie tête. Je vous la recommande pour toutes les choses de la vie et du monde. Mais pour ce qui touche à l'intimité et au cœur, celle que je crois pouvoir vous garantir, c'est Madame Aiguebelle. Si vous acceptez tout d'abord ces ridicules, vous ne tarderez pas à reconnaître ses solides qualités. En plus d'une circonstance, elle a été une mère pour moi, et quoiqu'elle vive assez péniblement en rédigeant le courrier des mots de magasin de tapisserie, sa bourse est ouverte pour ceux qui en ont besoin. Elle rend service avec passion et, ce qui est mieux, avec discrétion. Son vice, car elle en a un, c'est son fils. Voilà les deux femmes avec lesquelles, si vous le voulez, je vous ménagerai une intimité. J'oubliais Cabu, il est vrai qu'il ne compte guère. Sans volonté aucune, grand, gros, joufflu, d'une prestance imposante, qui lui a valu dans les ateliers le nom d'Hercule Amber, et il n'est que le satellite de sa femme qu'il adore, et avec raison, car par ses pieuses connaissances, elle a fait d'un garçon assez nul et sans talent un peintre qui gagne une trentaine de mille francs par an. Après avoir repris ses indications et les avoir précisées, Martel quitta Armande. Elle était pleine d'espérance. Maurice accueillit avec empressement ses idées, et en deux ou trois mois, sa maison devint des plus agréables. Il eut bientôt un cercle d'habitués autour de sa table. On se disait le mardi, « Allons dîner chez Berthaud. » On était sûr d'y trouver une bonne chère et de la gaieté. Seul, peut-être, parmi ses convives, Martel apporta une sorte de froideur discrète. Plus d'une fois, Maurice et Armande voulurent l'enrailler, mais il refusa de répondre à leurs interrogations, comme il se défendit avec impatience contre leurs taquineries amicales. Un soir, cependant, qu'Armande revenait à la charge avec douceur, « Ne m'interrogez plus, je vous prie, » dit-il d'une voix émue. « Je n'ai rien, ou plutôt, j'ai l'ennui qu'on éprouve toujours lorsqu'on va quitter ses amis et ses habitudes. » Armande le regarda surprise. « Je pars dans quelques jours. « Vous partez ? » s'écria-t-elle. « Oui. Mais pourquoi ? » Il se tut. « Où allez-vous ? » Ils restèrent assez longtemps sans continuer l'entretien. Puis, tout à coup, Martel reprit d'une voix enjouée. « J'en suis arrivé dans ma vie d'artiste à une période où, comme ce savant qui émerveillait de la complication du corps humain, n'osait plus faire un mouvement de peur de se casser, je n'ose plus toucher une brosse. Je connais trop mon métier, et j'ai besoin de voir comment les maîtres ont oublié le leur. Je viendrai après-demain vous faire mes adieux, vous amener mon vieux badaud, que vous voudrez bien me garder, n'est-ce pas ?»« Venez dîner, » dit Armand ému. « Voulez-vous me permettre que je vous présente l'homme que j'aime le mieux après Maurice, Charbet ? Ce sera un ami que je vous laisserai. Si vous avez jamais besoin d'un service, adressez-vous à lui. Mais n'écoutez jamais ses conseils, car l'excellent garçon a le cœur plus solide que la tête. « Que dites-vous donc là-bas de si sérieux ?» fit Maurice, qui, jouant dans le jardin avec sa fille, s'appuya sur la fenêtre ouverte. « Je demande à ta femme la permission de lui amener Charbet. »« Parbleu ! » dit Maurice. « Ce bon Charbet ! Est-ce qu'il est toujours l'homme le plus occupé de Paris ?»« Et de France ?» continua Martel. Il roule en ce moment dans sa tête un livre gigantesque qu'il raconte tous les jours, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'écrire un mot, car il n'a pas une minute à lui, absorbé qu'il est par trois ou quatre inventions prodigieuses qui doivent faire la fortune de l'humanité et la sienne incidemment, ce qui lui serait diablement utile. Car si, comme Panurge, il a 50 moyens pour gagner une fortune, il en a 200 pour la perdre, et cela, comme son temps, par règle, par principe et surtout par démonstration. Amène-le, dit Maurice. Je serai heureux de le revoir. Il me remplacera auprès de vous. Comment en remplacera ? Je pars dans trois jours pour Florence. Comme ça, tout à coup, sans prévenir, et quand reviens-tu ? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Non. Ils restèrent tous les trois silencieux assez longtemps. Martel, pour sortir de cette situation qui l'embarrassait, se leva et alla au piano, puis, tapotant d'un doigt sur les touches, « Dis donc, » fit-il en riant, « te rappelles-tu ce couplet sur Charvet ? Quand je pense à ce que je ferai lorsque je travaillerai, et quelle sera ma gloire, les bras me tombent du corps. Je ne fais plus rien alors, voilà toute mon histoire. » Il vint avec Charvet, ainsi qu'il avait été convenu, et comme à l'ordinaire, il apporta un bouquet de violettes pour Armande. La soirée s'écoula assez tristement entre quatre, mais quand Cabu et Madame Cabu arrivèrent, Martel, comme s'il voulait s'étourdir, se mit à plaisanter sur les dangers de son voyage. « Combien je regrette que tu ne m'aies pas prévenu à temps, » dit Charvet. « J'aurais réuni un millier de francs et je t'aurais accompagné. Nous serions revenus millionnaires. Je crois savoir où Néron, avant de mourir, a fait enfouir son trésor. » Vers 11 heures, Martel se trouva seul pendant quelques minutes auprès d'Armande. « Pourquoi donc portez-vous mon bouquet ? » lui dit-il. « Il vous fera mal à la tête. » Et sans attendre sa réponse, il le prit et le posa sur la cheminée. Puis, revenant à elle, « Je vous laisse heureuse, » dit-il en baissant la voix. « Si vous avez besoin de moi, dites-le à Charvet, je reviendrai. » À minuit, on se leva pour partir. Badaud, qui était couché dans l'entrée, voulu accompagner son maître. « Va coucher !» lui dit Martel, montrant un coin. La bête s'y traîna en rampant, et regardant son maître qui était sur le seuil, il se mit à gémir. « Pauvre chien !» dit Armande. « Oui, » dit Martel, « il souffre, mais il obéit. » Et après l'avoir caressé quelques instants, il donna une dernière poignée de main à ses amis et partit. Revenu dans le salon, Armande se mit à chercher sur la cheminée et sur les étagères. « Que cherches-tu donc ?» demanda Maurice. « Mon bouquet. » Elle ne le trouva point. Pour monter à leur chambre, ils passèrent à côté de l'entrée. Ils entendirent Badaud qui pleurait. « Pauvre chien, » dit-elle en se serrant contre Maurice. « Nous l'aimerons bien, n'est-ce pas ?